Gangsta Paradise de Coolio sur RGM. Presque 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 1er août 1942. Naissance de Giancarlo Giannini, acteur italien vu dans Hannibal, Man on Fire, Casino Royale ou encore Quantum of Solace dans le rôle de René Matisse. 1962, naissance de Mac Lesguy, ingénieur animateur télé français, présentateur de E égale M6. 1963, naissance de Coolio, rappeur américain. 1965, naissance de Sam Mendes, réalisateur britannique à qui l'on doit American Beauty, Jared, La fin de l'innocence, Les Noces rebelles, Skyfall ou encore Spectre. 1971, naissance de Mesmer, artiste québécois qui pratique l'hypnose sur scène depuis les années 90. 1974, naissance de Don Choa, chanteur français de la Funky Family. 1977, naissance de Damien Saez, chanteur français. 1979, naissance de Jason Momoa, acteur américain, vu au cinéma dans Conan, dans le rôle de Conan le Barbare, Batman vs Superman, l'aube de la justice, ainsi que Justice League, et tout prochainement dans Aquaman, dans le rôle d'Aquaman, et vu dans les séries télé Alerte à Malibu, dans le rôle de Jason Yeon, Stargate Atlantis, dans le rôle de Ronan Dex, et dans les saisons 1 et 2 de Game of Thrones, dans le rôle de Khal Drogo. 1980, naissance de Mouloud Achour, animateur télé, journaliste, musicien, acteur, scénariste franco-algérien, chroniqueur dans l'émission Le Grand Journal, hein, on s'en souvient. C'est d'ailleurs là qu'on l'a découvert. Vu en tant qu'acteur dans Chétan, Astérix aux Jeux Olympiques dans le rôle de Mouloudus, Cypria, ou encore Le Choc des Titans dans le rôle de Gugguk. 1982, naissance d'Aurel San, chanteur français, notamment connu pour le titre La Terre est ronde, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois ce genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. J'suis pas feignant mais j'ai la flemme. Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. J'veux profiter des gens que j'aime. J'veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais j'ferai juste ce que j'veux quand même. Au fond, j'crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde. Voilà pour l'extrait du titre La Terre est ronde hein, d'Aurel San. 1986, naissance d'Elena Vesnina, joueuse de tennis russe professionnelle depuis 2002. En simple, elle a été numéro 13 mondiale en 2017, demi-finaliste à Wimbledon, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, 16e de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open. En double, elle a été numéro 1 mondiale le 16 juin dernier. Elle a gagné une fois Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open, deux fois finaliste à l'Open d'Australie. Elle a remporté une médaille d'or olympique en double, c'était en 2016 et elle compte deux Fed Cup remportés en 2007 et 2008. 1987, naissance de Jakov Fak, biathlète slovène, qui aux Jeux Olympiques compte une médaille d'argent remportée sur l'épreuve individuelle, c'était à Pyeongchang en 2018, une médaille de bronze sur le sprint 2010, et au championnat du monde, il compte deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze. 1990, naissance de Jake O'Connell, acteur britannique, vu dans 300 la naissance d'un empire dans le rôle de Callisto, Invisible dans le rôle de Louis Zamperini ou encore la série télé Skins dans le rôle de James Cook. En 1903, décédé Calamity Jane, célèbre personnalité de la conquête de l'Ouest américain. En 2003, on apprenait le décès de Marie Trintignant, actrice française vue dans Mon amour, ça n'arrive qu'aux autres, une affaire de femme, Les apprentis ou encore Fugueuse. Et en 2017, on apprenait le décès de Jérôme Golmar, joueur de tennis français qui avait fait carrière de 1993 à 2006, qui avait été 22e

confiance aux femmes, ça passe d'un homme à un autre, de l'arrière d'une case, d'un lit à un autre. Note que dans nos têtes c'est le vrai désordre. Pour preuve, je rappe des trucs qui ont rien à voir les uns avec les autres. Si si c'est men's world, je me rends compte quand je suis plus mal, bien die fucked up. Je suis pas doué pour le vol ni pour le deal, je rappe pour vivre. C'est toujours mieux d'avoir des flics qui me poursuivent. Je fais pas ça pour les femmes, ni avoir trop de fans, ni pour voir ces rimes classées profanes. Joueur à l'art de rue, si tu vivais ce qu'on voit, je suis prêt à parier que t'exprimerais les mêmes faits que moi. On n'est pas si loin du chaos, nous on est à l'abri d'être plus bas. Pense-y au cas où tu seras amené à fumer ce qu'on fume, voir ce qu'on boit, vivre ce qu'on voit ou livrer ce qu'on bat. Gloire c'est la guerre, même si tu peux pas le croire. Y'a aussi de l'amour partout, même dans mon rap, même si tu veux pas le voir. Des diamants rues, l'art qui s'en dégage, tout ce qui exprime la rage, tous nos apaches. Funky family, l'histoire continue jusqu'au bout dans la rue. L'art de rue de la Funky Family sur le 107 FM, presque 8h48, on fait un point météo. La météo. Alors, ce matin, c'est temps ensoleillé avec quelques nuages et attention, des orages sont à prévoir pour cet après-midi. Des températures comprises entre 21 et 22 degrés ce matin, entre 28 et 30 degrés pour cet après-midi. Pour jeudi, ce sera du soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 30 et 32 degrés l'après-midi. Pour vendredi, retour d'un franc soleil, des températures comprises entre 20 et 21 degrés le matin et entre 32 et jusqu'à 34 degrés prévus pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo, on file maintenant vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on parle tennis, hein. Il n'y a que ça comme actualité. Ce matin, à San José, il n'y a plus de Françaises en compétition après l'élimination de Mladenovic en 2-7 face à Babos, 6-4, 6-2. À Kitzbühel, plus de Français en compétition après l'élimination de Gilles Simon en 3-7 face à Berrettini, 1-6, 6-3, 6-4. À Los Cabos, Quentin Alice s'est qualifié en 2-7 face à Müller, 6-4, 6-4. Il affrontera aujourd'hui Fabio Fognini et Adrien Manarino affrontera Imer. Et à Washington, Benoît Paire hier nous a fait du Benoît Paire. Il ne fallait pas être une raquette de tennis dans ses mains puisqu'il en a cassé au moins deux d'après les images que j'ai pu voir. Il s'est incliné en 3-7 face à Marcos Bagdatis, 6-3, 3-6, 6-2. Herbert s'est qualifié en 2-7 face à Kruger, 7-5, 6-3. Et Mio s'est qualifié en 2-7 face à Sugita, 6-3, 6-2. Aujourd'hui, Jérémy Chardy affrontera Copil. Lucas Pouille sera opposé à un autre Français, Mio. Et Herbert, lui, sera opposé à Goffin. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer une dernière pause musicale avec Damien Saez et son titre Jeune et con. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard, je me suis rendu sourd. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant. Mais demain rien n'ira mieux. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les plombs, mais ce monde s'en fout. Puisqu'on est